Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 38 est la suivante. かしこまりました. Oui, compris. Plus littéralement, j'ai respectueusement reçu votre demande. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Lorsqu'elle s'est réveillée ce matin, elle se sentait fatiguée et avait de la fièvre. Anna se rend à l'hôpital en taxi avec la mère du dortoir. Écoutons le sketch de la leçon 38. La phrase clé est... かしこまりました. Oui, compris. Laissez-moi vous expliquer le sketch. La mère du dortoir a dit au chauffeur de taxi: s'il vous plaît, emmenez-nous à l'hôpital civique. Pourriez-vous nous emmener à l'hôpital civique? Plus littéralement, nous aimerions vous demander de nous emmener à l'hôpital civique. 市民病院 signifie hôpital civique. C'est la combinaison de 市民 citoyen et de 病院 hôpital. まで signifie à お願いします signifie pourriez-vous, s'il vous plaît. Plus littéralement, nous vous demanderions de. Si je souhaite me rendre à la NHK, je dirais NHK made onegaishimasu, n'est-ce pas? Le chauffeur répond. かしこまりました. Oui, compris. Ou, littéralement, j'ai respectueusement reçu votre demande. C'est notre phrase clé, aujourd'hui. かしこまりました. Est une façon honorifique de dire. わかりました. Je vois, je comprends. On utilise l'expression honorifique pour marquer le respect porté à la personne à qui l'on s'adresse ou de qui l'on parle. On l'utilise dans un contexte d'affaires ou lorsque l'on s'adresse à ses supérieurs. En langage honorifique, wakarimashita devient kashikomarimashita. C'est un mot complètement différent. Oui. Exerçons-nous maintenant à répéter la phrase clé du jour. Kashikomarimashita. Kashikomarimashita. Puis, la mère du dortoir explique au chauffeur le chemin à prendre pour aller à l'hôpital. Allez tout droit et tournez à gauche au troisième feu, s'il vous plaît. まっすぐ. C'est droit. Itte. Et la forme en te du verbe. Ikimasu. Allez. Lorsque l'on parle d'une action qui sera suivie d'une autre action, on met le verbe qui précède à la forme en T, n'est-ce pas? Oui. Vous allez d'abord tout droit, ensuite vous tournez à gauche, donc vous mettez ikimasu à sa forme en T, itte. Mitsume signifie le troisième. Mitsu c'est trois. Il est composé du nombre 3 et du numérateur tsu. Dans la leçon 7, nous avons appris à dire les nombres lorsqu'ils sont suivis d'un numérateur tsu. La façon de prononcer certains nombres change lorsqu'ils ont la composante tsu, n'est-ce pas? En effet, 3 c'est sam. Mais s'il est suivi de tsu, il devient mitsu. Dans mitsume, me exprime l'ordre s'il est précédé du numérateur. Ensuite, no est une particule qui lie les substantifs. Shingo signifie un feu. Mitsume no shingo signifie le troisième feu, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, o est la particule qui indique l'objet d'une action. Hidari signifie gauche. Ni est une particule qui indique la direction. Mangatte est la forme en te du verbe mangarimasu tourner. On peut exprimer une demande en utilisant la forme en te d'un verbe avec kudasai. S'il vous plaît. Je vois. Donc, magatte kudasai signifie pourriez-vous tourner? Plus littéralement, veuillez tourner. Alors, Mélanie, comment dit-on « pourriez-vous tourner à droite à la deuxième intersection » 2 avec le numérateur ts, c'est ptatsu. Une intersection se dit kado. La droite, c'est, vous vous en rappelez, c'est mini. La deuxième intersection, c'est ftatsume no kado. Donc, ftatsume no kado wo. Et qu'est-ce qui venait ensuite? Pourriez-vous tourner à droite à la deuxième intersection, c'est ftatsume no kado wo mini ni magatte kudasai. Je vais le dire également. Ftatsume no kado wo migi ni magatte kudasai. Bien. Écoutons de nouveau la leçon 38. La phrase clé aujourd'hui est Kashikomarimashita. Oui, compris. Shiminbyouin made onegai shimasu. Kashikomarimashita. Massugu itte 3 つ目の信号を左に曲がってください。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, veuillez nous enseigner plus en détail l'expression honorifique. Demandons à notre professeur. On utilise l'expression honorifique lorsque l'on parle avec ou que l'on fait référence au senior, supérieur, enseignant, client ou aux gens que l'on ne connaît pas bien ou pas du tout. Même avec les gens auxquels on s'adresse habituellement de façon informelle, on utilise le langage honorifique quand on leur parle lors d'occasions formelles comme les réunions d'affaires. Ce qui est primordial ici, c'est le contexte dans lequel vous leur parlez. Les verbes peuvent avoir deux niveaux de politesse. L'un est la forme respectueuse. Si on l'utilise avec les verbes qui expriment les actions ou la situation dans laquelle se trouve la personne à qui l'on parle ou à qui on fait référence, on peut montrer du respect à cette personne. Par exemple, la forme respectueuse de « mimasu » « regarder » est « goran ni narimasu ». L'autre est la forme humble. On l'utilise lorsque l'on parle de nos actions ou de la situation dans laquelle on se trouve. On exprime notre respect en employant des mots humbles pour parler de soi. Lorsque le chauffeur de taxi du présent sketch souhaitait dire « je comprends », il n'a pas dit « wakarimashita ». Il a plutôt dit « kashikomarimashita ». Une manière humble de dire « je comprends ». Vous vous dites peut-être que les expressions honorifiques sont difficiles à utiliser, mais ne vous en faites pas. Dans les conversations courantes, si l'on emploie la forme en masse des verbes, on fait montre de suffisamment de politesse. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons maintenant à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Fura fura. On dit fura fura lorsque l'on tient à peine debout en raison de la fatigue ou d'une fièvre. On peut aussi l'employer pour décrire la façon dont quelqu'un fait ceci ou cela sans idée précise ou but. Ça veut dire pas mal de choses, il me semble. Oui, je vais vous proposer une expression similaire. Kura kura. Kura kura. Décrit une personne qui a la tête qui tourne. On peut dire je me sens kura kura dans ma tête. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de fura fura et de kura kura. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique Les tweets d'Anna. Au Japon, les taxis ont des portes automatiques. Ce sont les chauffeurs qui les actionnent. Si l'on essaye de les ouvrir soi-même, on risque de se faire réprimander. Alors il faut faire attention. La leçon 38 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était Kashikomarimashita. Oui, compris. Je m'inquiète pour Anna. Lors de notre prochaine leçon, elle consultera un médecin. Alors, ne manquez pas notre prochaine leçon.